les ai vus venir, ils sont passés tout près du cauchemar. Faut un 45-9, une caisse neuve et une Audemars. Je vais les bousculer, ça, j'ai le mort. Tu sais que cette année c'est WAM. Y'a de la peufra dans le sac de sport, les blancs de la cité passent à la douane. Y'a des affaires à balle, la police fait qu'enquêter. Y'a de la gueule droit à mort et différentes sociétés. J'suis pété dans mon fer, mais bon, y'a rien à fêter. Un gratte oublie tout, t'as pas souligné quand j't'ai prêté. Des modes aux gros bandits, ce qu'on raconte, ils savent sur la rue. J'suis pas à l'arrêt, zéro crari. Des passes de 20 litres au fond de ma rue. Et quand j'ai marre, j'suis pire qu'une pile. Faut le usage dans le top des streams. J'ai cru qu'ils cherchaient mon frère, mais c'était pour un ma 6h pile. Attends, reviens ma titi. Je t'explique comme si je buvais Jack à la tétine. J'étais dans la cité quand tu connais la petite. Je refais. On connaît ton CV donc arrête tes bêtises. Attends, reviens ma titi. Je t'explique comme si je buvais Jack à la tétine. J'étais dans la cité quand tu connais la petite. Je refais. On connaît ton CV donc arrête tes bêtises. Le rap avant tout c'est une passion. C'est une ZML, j'pars de lui au passé. Reste tranquille, on va te faire des côtés. Juste un coup de bigot, c'est classé. La fin c'est Estepona ou Linéa de la Conception. Faut bosser mon frère et sortir un gamin de la concession. Y'a de la zip en wad, y'a du terre en boîte. J'vais pas les laisser, tu l'as ressenti. J'ai niqué ta porte ou la véranda. Y'avait plus rien à faire depuis le premier kill. On est vrai de vrai, rechoue pas ton petit. Y'a des calaches à mort, y'a des neufs aussi. T'avais pas compris, on est boosté. On se refait même si on est par terre. C'est le M ou une balle dans la tête. Pas de chrome paye, t'as cru que c'était la fête. Tu le sais peut-être pas, mais on donne aux autres ceux qui bossent dans ta tête. Puissant faire, il est maîtrisé. Rayer les palettes au volant. J'avais Mich, Mich et Moré. On fait dispatcher la bête de l'homme. Attends, reviens ma titi. Je t'explique comme si je buvais Jack à la tétine. J'étais dans la cité quand tu connais la petite. Je refais. On connaît ton CV donc arrête tes bêtises. Attends, reviens ma titi. Je t'explique comme si je buvais Jack à la tétine. Dans la cité quand tu connais la petite. Je refais. On connaît ton CV donc arrête tes bêtises. Attends, reviens mon titi. J'étais dans la cité quand tu connais la petite. Je t'explique comme si je buvais Jack à la tétine. Je refais. On connaît ton CV donc arrête tes bêtises. La la la la. La la.